Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le 43e numéro de Sur nos écrans. Un numéro qui rime avec descente aux enfers pour nous, puisque nous allons vous parler des trois premiers épisodes de la nouvelle série Lucifer, adaptée des comics Vertigo. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 43e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne. And I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the street. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi cette semaine, Léo. Hello. Je le disais en introduction, Léo, l'émission de la descente aux enfers, et c'est pour ça que tu es le seul sans doute, hein. Personne n'a ouais. pu nous accompagner sur ce chemin un peu tortueux, on va dire. Voilà, après tout, je regarde Gotham, hein, tu sais, donc. Voilà, donc bon, t'étais plus à ça près. Dédicace pour Arnaud, tiens. On va pas spoiler notre avis pour le moment, on va commencer comme de coutume par notre petit bilan de la semaine. Est-ce que tu as regardé autre chose que Lucifer cette semaine? J'espère. Bien sûr. Comment ne pas être à jour, notamment sur Legends of Tomorrow. Exactement. Cette petite pépite de la CW. Voilà. La nouvelle grande coqueluche, l'arnaque du siècle, la dope du vendredi, coqueluche comme la série habituelle, le non, bah voilà, j'ai regardé Legends of Tomorrow. Un épisode qui s'appelait Fail, je ne sais plus quoi, mais voilà, faut juste retenir Fail. Voilà, il faut en retenir Fail parce que globalement, de toute façon, depuis le début de cette série, c'est que du Fail. C'était pas terrible, c'était encore une fois rempli de clichés, rempli des mêmes défauts habituels qu'on trouve surtout chez Arrow, mais c'est un peu chez Flash avec. Voilà, l'action n'est même plus là pour sauver, les acteurs font la même chose. Il y a une réplique de Leonard Snart qui est tellement genre. Mais disons que comme c'était plutôt bien senti jusqu'à ce qu'il fasse cette réplique, puisqu'il y avait clairement, on sentait qu'il référençait Prison Break, mais quand tu lui parlais de tatouage, etc., voilà. Mais ils sont sentis obligés d'y aller jusqu'au bout et de tartiner, tartiner, tartiner jusqu'à lui faire dire lui-même le mot Prison Break dans sa réplique. Voilà. Et là, c'est trop, quoi. Voilà, c'est l'ultime étape de la caricature que sont devenus les personnages d'eux-mêmes. C'en est devenu consternant. Enfin bon, de toute façon, voilà, enfin, on continue de regarder, mais il n'y a pas d'effort de fait, donc voilà. Enfin, Legends of Tomorrow reste Legends of Tomorrow. Et puis, bon, bien sûr, il y avait quand même Flash un petit peu pour sauver la mise. Et non, pas mal. Flash, ça reste toujours sympa à voir. Il y a des petites facilités quand même. Parfois, c'est un peu prévisible parce que c'est cet épisode avec où ils sont toujours sur Terre 2. Voilà, enfin, ils sortent de Terre 2 et bon, il y avait quand même des trucs prévisibles. Ouais. Je me souviens qu'il y a des trucs qui m'ont un petit peu, la, qui m'ont un peu gêné. La toute fin notamment est assez prévisible. Voilà, la toute fin, c'est le plan iconique de la prévisibilité. C'est ça. Et donc voilà, mais bon, ça reste sympathique, ça reste agréable à voir, et enfin, il y a toujours des bonnes choses qui sont distillées dans la série. Donc après tout, on va toujours continuer de voir, parce qu'il y a toujours un intérêt à regarder Flash. Et c'est tout ce que j'ai vu a priori en termes de comics pour l'instant. Bientôt la reprise d'Agents of S.H.I.E.L.D. le 8 mars. Et bientôt la reprise de Gotham également. Juste avant, la veille, je crois. Juste avant, la semaine d'avant. Pour ma part, les mêmes séries, plus The Walking Dead, qui a fait son retour dimanche dernier, et dont j'ai regardé évidemment le mid-season première, qui, à ma grande surprise, était excellent. Donc. Sans déconner, tu vas jusque-là? Ah oui, non, c'était super bien. Donc, on a eu certaines choses qu'on attendait depuis un petit moment qui sont arrivées. Ça bouge, il se passe pas mal de choses, c'est plutôt bien rythmé, tout ça, tout ça. Non, non, ça marche, il marche bien cet épisode. Bon, bah c'est à noter. C'est à noter, c'est le premier depuis 3 mois, donc c'est voilà, bon. Et encore. C'est à noter, effectivement. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, Lucifer. Lucifer. Série diffusée sur la Fox. Ouais. Où je dis n'importe quoi. Non, c'est bien la Fox. J'ai tellement d'intérêt, tu vois, pour le truc. Donc c'est sur la Fox. Ça a commencé il y a maintenant 5 semaines. Ouais. Le cinquième vient d'arriver là. On a pris avec un petit peu de retard la série, donc série américaine créée par Tom Capinos qui a commencé le 25 janvier 2016. Avec, au niveau du casting, on va quand même donner les acteurs principaux. Tom Ellis, qui joue Lucifer. Lauren German, qui joue l'inspecteur Chloé Decker. Rachel Harris, qui joue Linda Martin. Et puis, pour le reste, on va s'abstenir. On va garder ces trois-là. Hein. C'est bien l'un des problèmes de cette série, d'ailleurs, comme on parlait. Au niveau du synopsis, c'est quoi? Lucifer était aux enfers. Et Voilà. puis, il était fatigué de tout ça, donc il a décidé de prendre des vacances. Et quel meilleur endroit pour prendre des vacances que d'aller Los à Angeles. Los Angeles. Donc, il abandonne le royaume des enfers pour se rendre à Los Angeles, où il est propriétaire d'une boîte de nuit qui s'appelle Lux. Lux, Ouais. Comme la lumière. Donc, comme la lumière. Lucifer Morning Star, de son nom. Voilà, histoire de bien un peu plus mettre l'emphase, tiens. Et puis il a reçu un pouvoir qui est celui de forcer les gens à révéler Leur désir caché. leurs désirs cachés, leurs pensées un peu profondes et ensevelies. Voilà. Et puis un jour, et ben un soir, voilà, il va y avoir un meurtre devant son club, et c'est là que les choses vont commencer pour lui, et qu'il va notamment rencontrer Chloé Decker, l'inspectrice Voilà. de police. Voilà, en gros pour le synopsis. C'est Bon, globalement on a vu trois épisodes tous les deux, ça. épisode 1 à 3. Est-ce que c'est présumé de ton avis que de penser que, comme moi, tu as longuement souffert, un peu comme une terrible agonie, devant ces trois épisodes? Non, c'est très moyen, c'est facile, c'est bourré à mort, mais alors à mort de vannes sur le diable et sur tous les jeux de mots qu'on peut faire en anglais dessus. Bon, bah ça, oui. Il n'y a que ça, c'est quand même hallucinant. J'ai pas écouté la VF, je sais pas si elle est encore déjà dispo, mais j'ai même pas envie parce que vraiment j'ai peur. Oui, voilà, enfin, et globalement, c'est. Non, enfin, j'ai pas du tout été convaincu. Genre, trop facile, trop gentil, trop la même chose, trop, pardon, comment dire, axé et surtout trop focus sur son personnage principal. Lucifer bouffe l'écran. Il fait globalement que ça. Il y en a que pour sa gueule. C'est toujours pour sa pomme. Et t'as l'impression de voir Chloé Decker se battre pour un petit peu exister. Les autres personnages, bah, si on ne les mentionne pas, c'est aussi, à mon avis, parce qu'ils servent globalement à rien. Enfin, à part peut-être sa sœur Maze, et encore, c'est juste un espèce de point d'appui pour Lucifer, mais elle n'a pas une influence florissante. Voilà, enfin, c'est toujours la même chose. C'est une espèce de procédural presque, avec un truc un peu en plus, un peu genre surnaturel, le Lucifer qui est sur Terre. Bon. Évidemment, tout est dans Los Angeles, donc c'est tellement plus facile de faire des intrigues simples. Enfin, voilà, non, pas convaincu du tout. Ouais. Évidemment, pas convaincu non plus, mais ce qui me scandalise le plus dans toute cette sombre histoire, c'est que c'est censé être une adaptation des comics de Neil Gaiman. C'est un personnage qui est créé par Neil Gaiman dans le monument qui est Sandman, qui a eu après sa série dérivée Lucifer. Et voilà, si l'objectif de la Fox, c'était juste de nous refaire un mentaliste, eh ben fallait nous refaire un mentaliste et fallait pas aller piller la série Lucifer et c'est le travail de Neil Gaiman, qui est un immense scénariste et qui avait fait des choses hyper profondes et hyper intéressantes, évidemment dans Sandman, mais aussi dans sa série Lucifer. Là, c'est juste un pillage en règle. Voilà, on prend le nom du mec, le fait qu'il était sur les enfers, l'histoire, vaguement l'histoire d'un piano bar et compagnie, et puis après, on passe tout ça au mixeur de la médiocrité, et voilà. Et on obtient la série Lucifer. D'ailleurs, Et c'est un beau gosse, Lucifer, aussi dans les comics. il est assez séduisant, effectivement. Oui, et puis on en fait bien sûr, donc tu vois, toujours le mec toujours plus séduisant, bien sapé, britannique, parce que ça rend toujours aussi folle C'est ça. les minettes, et puis voilà. Et du coup, ouais, c'est médiocre. Voilà. Quand on connaît le travail de Gaiman et qu'on voit ce que cette soi-disant adaptation est, c'est juste nul. Oui, en plus c'est mauvais en comics parce que j'avais. Ah non, en comics, ça c'est génial. Alors, non, non, non, mais en adaptation, je veux dire, en Ah bah plus. oui. Ah non, mais c'est à côté. Oui, c'est à côté de tout. Enfin voilà, ils ont repris le nom du personnage, ils ont gardé l'idée, la vague idée d'un piano bar et la vague idée du fait qu'il était seigneur des enfers et que maintenant il ne l'est plus. Et c'est tout. Oui. Enfin, voilà, c'est pas un consultant pour la police, Lucifer. Hein. Oui, Enfin, non, c'est ça. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bof? Enfin, voilà. Voilà, putain. Là, on est face à un procédural qui est un mentaliste bis, parce que clairement c'est ça, sauf qu'au lieu de décrypter le comportement des gens, il les manipule un peu, enfin voilà, il extirpe des renseignements grâce à ses pouvoirs. Il est juste un peu plus trash et avec beaucoup moins de concessions que le mentaliste, mais à part ça, Puis rien. surtout, enfin, je veux dire, à chaque fois il dit, à chaque fois il dit, je veux faire le bien, je veux un petit peu, je veux un peu aider et punir seulement le bad guy, mais tu te dis que derrière il cache quelque chose de voilà, enfin de d'un peu plus tortueux. En plus, là dans le troisième épisode, il me semble que c'est dans le troisième, je sais pas si c'est dans le deux ou trois, mais il organise une confrontation entre deux personnages, tu vois, qui vont se tuer, mais enfin qui sont censés se tuer, mais au final il se passe toujours rien. Au final, il finit par livrer le mec à la police. Il y a rien de plus, voilà, à la fin, voilà. Et dans le troisième, donc, il y a ce truc avec l'agent du quarterback là, qui fait juste que foutre dans, enfin, passer à travers une glace, et ça. Enfin, il y a jamais un vrai excès, quoi. On essaie de nous vendre un Lucifer qui est en train de s'humaniser, qui est en train, voilà. Et en fait, il y a toujours cette espèce de malaise dans le sens où Lucifer. Où Lucifer est en permanence en train de se battre pour rester pour rester le seigneur des enfers. Et même, on dirait que le personnage essaye de rester aussi lui-même, parce que ce que veut forcer la série, c'est nous forcer à nous dire, regardez, c'est un personnage profond qui est en train d'évoluer, qui sent qu'il a une conscience qui est en train de se développer, etc. Et t'as le personnage qui est en train de se débattre contre ça. Et je trouve que, en plus, on en fait du mal au personnage, c'est-à-dire qu'il devrait le laisser dans la pleine mesure de ses pouvoirs et montrer qu'il est là pour foutre la merde, pour un petit peu emmerder le monde, tout ça. Alors que là, Chloé Decker, elle a beau dire et faire semblant de dire que Lucifer entrave l'enquête, il l'entrave en rien, il fait juste qu'aider. Et entre-temps, il couche avec la psychiatre, il Oh fait non, mais alors des ça. il fait des petits sourires, et voilà. Le truc avec la psychiatre, mais c'est le poncif, l'utilisation de clichés absolus le plus dingue du monde, le plus facile du monde, foutre un psychiatre en face de Lucifer. Où est-ce qu'ils ont mis leur subtilité en tentant d'introduire cette idée, quoi? La psychiatre séduisante, tout ça, un peu entre deux âges, qui a envie de coucher. Un peu cochonne aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Et puis Chloé Decker qui, comme par hasard, il y a une seule personne qui est insensible au pouvoir de Lucifer. Comme par Bien hasard, sûr, c'est c'est Chloé elle. Decker. Et on l'apprend dès le premier épisode. Il n'y a aucune surprise. On aurait pu nous sortir ça en cliff de je ne sais pas. Voilà. Elle aurait pu être aussi sensible à ses pouvoirs et développer une résistance ou je ne sais quoi à force d'être en contact. Non, non. D'entrée, elle a, je sais pas, elle a un truc. Elle n'est pas réceptive au pouvoir. Et Et du puis coup, il va être troublé par cette personne et c'est elle qui va être la cause de son début d'humanisation. Voilà, tout voilà. ça. Est-ce que même il va pas avoir des sentiments pour elle, enfin bref. Voilà, et puis en plus, c'est pas comme c'est encore plus facile, parce que de là, on te dit qu'elle a été actrice un peu séduisante, qu'elle a eu un petit rôle un peu embarrassant de petite minette, enfin, tête d'affiche d'un film à deux balles, où en gros elle était la fille séduisante, machin, tout, à qui il arrive des trucs, enfin le truc ultra américain, quoi. Un peu comme Penny de Big Bang Theory, mais encore moins bien géré. Et oui, c'est sûr que c'est pas comme dans Jessica Jones, par exemple, où t'as Kilgrave qui, tu vois, qui terrifie tout le monde, qui, voilà. Et puis à un moment, tu vois sur la fin d'un épisode que Jessica est plus sensible à son pouvoir. C'est pas la même chose. C'est direct, on nous sort l'inspectrice un petit peu, qui essaye de se faire self-made woman, tu sais, qui essaye de monter, de dire, regardez, je suis plus cette actrice, je suis plus comme ça, je suis une inspectrice, et j'ai envie de montrer que j'en ai, que j'ai envie, enfin, que la justice, c'est mon truc, tout ça. Et bien sûr, donc, du coup, j'ai tellement de valeur, et j'ai tellement de trucs, je crois tellement en ma fille, que bah, voilà, je suis même pas insensible au charme du Seigneur des Enfers. Enfin, c'est ridicule, ça devient parodique presque à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. À la rigueur, elle serait insensible à ses pouvoirs parce que c'est genre une sainte qui n'a jamais péché ou quoi que ce soit et que du coup, bah forcément, elle est un peu l'opposé. Et voilà, ça serait cliché, mais ça passerait peut-être mieux. Oui. Parce que là, il n'y a vraiment aucune raison, aucune explication. On l'aura, hein, Pense, forcément. oui, un moment. Forcément, on l'aura. Tout comme forcément, on aura droit à l'épisode flashback où on va le voir quitter les enfers. On va avoir droit à un épisode où il va lui rouler une pelle parce que finalement, elle va finir par tomber sous ses charmes, mais de manière plus longue et lente. Enfin, voilà, je pense qu'on va avoir droit à tous ces. Ouais, tous ces Mais bon, poncifs-là, quoi. voilà, mais bon, si encore en plus il y avait une histoire qui se tenait autour et voilà. À la limite, ça passerait peut-être mieux, mais il n'y a rien. Enfin, en termes de scénario, C'est pas ça, Ah, c'est un l'histoire procédural. là avec les. Pardon? J'ai C'est quoi un ça? vague procédural sans. Voilà. Vague. Tout est dans le vague parce que ce qu'on a, c'est l'épisode 2, c'est l'histoire d'un paparazzi, là, en fait, bon, qui est un peu materné par un autre et l'autre apparemment couvre l'autre. Moi, je m'attendais à ce que. Le mec qui se fait arrêter en premier lieu, il couvre l'ange, c'est Asmodiel, c'est ça je crois, qui vient en permanence voir Lucifer pour lui dire bon, pardon. Je pensais qu'il couvrait, enfin qu'il avait un truc derrière quoi, qui cachait quelque chose de plus dark que ça quoi. Et en fait non, du coup il en couvre un autre qui était plus sympa, enfin qui voulait, enfin qui était juste le pauvre jeune un peu perdu. Et du coup il le laisse limite provoquer la mort d'autres gens. Enfin ça tombe à plat, c'est pas passionnant, c'est tout le truc. Tu te demandes si, enfin où est-ce qu'ils vont tout ça pour nous sortir un pauvre dénouement réchauffé. Le troisième épisode c'est un truc avec une sextape, avec un mec qui aurait tué un autre. Tout ça on sait très bien que c'est pas le celui qui Oui. avait qui est impliqué qui l'a tué, enfin, c'est vu, revu, c'est pas passionnant, c'est toujours la même chose. Et puis ça, c'est tellement ultra ultra misé sur Lucifer lui-même quoi. Sans lui, Mais à la rigueur, on va quand même sortir un point positif, c'est que l'acteur qui interprète Lucifer est pas mauvais. non, il est pas mauvais, il est cool, il a sa classe toute britannique, son petit truc. Même sauf que parfois, je trouve qu'il garde toujours un peu le même visage, mais Oui, il se développe pas trop de ce côté-là, quoi. Mais bon, à la limite, ça fait partie du personnage, donc je veux bien passer l'éponge. mais après, Mais par il est rapport au pas reste du mauvais. casting, il survole un peu l'histoire, quoi. Il est clairement au-dessus du lot. Voilà. Non, mais y a pas à tortiller. Enfin, et heureusement d'ailleurs, parce que si en plus il était mauvais, pourquoi est-ce qu'on continuerait à regarder, quoi? Ah bah, on sait pas si on va continuer, ça on le dira tout à l'heure, à la fin de Non. l'émission. Voilà, c'est Enfin, ça. tout à l'heure, on va pas non plus faire 3 heures sur Lucifer, hein. Non, je pense pas. Mais tu vois, enfin, il a tellement d'aura et tellement de trucs qu'il bouffe les autres personnages. Même Chloé Decker, elle est pas passionnante, hein. Elle fait pas un contrepoids dingue par rapport, voilà. Et puis les autres personnages, tu vois, on les retient à peine, quoi. Y a pas de trucs passionnants, de trucs qui font que tu restes, tu gardes, enfin tu conserves la série. Il y a pas forcément de cliffhanger, il y a un truc. Comme tu le dis, c'est un procédural et voilà, tu peux sauter trois épisodes et tu reviens après. Et je suis sûr que tu aurais compris. Oh bah Hein. oui, voilà. Enfin, à moins qu'il y ait un truc qui se développe dans les prochains épisodes, mais bon, j'y crois pas trop. Le nombre d'épisodes de cette saison, c'est 13. Hein. 13, putain, On a c'est. vu grosso modo un quart là, Bah ouais, de la c'est le saison. problème. Donc bon, pour le moment, voilà, pour le moment, on est dans le procédural. On verra si on continue. Du coup, s'il y a quelque chose qui se développe un peu, un espèce de semblant d'intrigue de fond ou pas. Pour les audiences, Ah oui, est-ce que ça marche? Parce que moi j'avais parié. quand même 7,16 millions de téléspectateurs pour le pilote, Ouais. qui était diffusé le 25 janvier, ce qui est beaucoup, surtout qu'il avait Pas fuité au mois mal. de juillet. C'est beaucoup, oui. Oui, 7 millions, ça tient largement. Voilà, Hein. 7,16 millions, c'est pas mal. La semaine suivante, toujours sur Fox, donc 6 millions, donc 1 million de pertes. Pour le troisième épisode, on passe à 5,47, et pour le quatrième et dernier, qui a été diffusé donc le 15 février, 5,13. Ouais. Donc depuis le pilote, c'est passé de 7,16 à 5,13, donc moins 2 millions. La question, c'est de voir si les audiences vont continuer à baisser, et voilà, si ça se maintient, si voilà. Mais Alors là, il y a eu une pause. Non, il n'y a pas eu de pause une semaine. J'ai rien dit. Non, non, le prochain, c'est celui du 22 février, donc on n'a pas encore à l'heure où on enregistre l'émission. Mais du coup, voilà, on arrive au cinquième. Normalement, on devrait arriver à cette espèce de stabilisation, ou alors ça va continuer à chuter. Auquel cas, c'est pas bon pour la série. voilà, nous, enfin en ayant vu le pilote déjà, bon, enfin pardon, pas le pilote, la bande-annonce, mais je pensais que ça s'arrêterait quoi, un truc sur Lucifer, sur voilà, capitaliser sur un personnage un peu séduisant comme ça, bon, ça allait pas passionner les téléspectateurs, enfin je le sentais pas non plus des masses, et en voyant ça, je me dis que en plus avec des pertes de 2 millions, c'est quand même pas non plus très négligeable, c'est que les spectateurs voient toujours un peu la même soupe qui leur est resservie quoi. Quand tu vois qu'une série comme Agents of Shield perd et perd des téléspectateurs au fur et à mesure, alors qu'elle s'échine à tenter des trucs, Ah à bah rester là on peut dans. pas lui reprocher Voilà. de faire dans le bas de gamme. Voilà, à essayer de rester en vie, voilà. Et quand tu vois Lucifer qui sert le minimum avec ses vannes sur le diable et tout. Tu vois, il y en a au moins deux ou trois par épisode. Tu vois, j'ai un peu regardé. Il y a toujours ça. Et ça va finir par fatiguer les spectateurs parce qu'il y a globalement que ça pour tenir, quoi. Parfois, il y a des situations où tu souris, c'est sûr. Mais bon, le subterfuge est un peu gros pour assurer d'une certaine viabilité à long terme pour une série comme ça, quoi. À un moment, ça s'étiole et ça se voit. Donc, ils ont intérêt à tenter de développer une intrigue de fond. Sinon, ça, c'est voué à l'annulation pour moi. Ouais, non, non, c'est voilà, c'est clairement Ça se pas. traîne. Ça se traîne. C'est pas, voilà. Il y a un détail qui m'a d'ailleurs particulièrement plus choqué que les autres. Je l'avais dit en off, là, avec c'est qu'il y a un moment dans le troisième épisode, tu as Oui. la. Voilà, tu l'as noté, peut-être que tu seras aussi choqué que moi en Bah, voyant. j'ai remarqué la phrase parce que tu l'avais mentionné entre nous dans une conversation. Donc du coup voilà, mais vas-y, je te laisse Voilà. expliquer. Donc il y a une mise en scène pour que Lucifer aide à attraper quelqu'un. D'ailleurs, voilà, c'est une scène significative. C'est-à-dire que Lucifer sert ses propres intérêts, mais au final, ça sert quand même les autres intérêts de la série. Donc, ça reste toujours aussi procédural. Donc, on oublie que Lucifer fait autre chose. Globalement, Lucifer, il calque ses intérêts sur les autres. Enfin, c'est une scène qui est très caractéristique. Là, il fait donc une mise en scène pour essayer d'attraper une fille, pour qu'elle puisse l'aider pour qu'elle l'aide à trouver quelqu'un qui se fait passer pour lui. Et donc Lucifer discute avec elle, lui dit voilà, il dit voilà ton argent, etc. Bon. Et là les flics débarquent et disent vous êtes en état d'arrestation, etc. Donc bon, au final Lucifer il a pas avancé d'un iota, c'est toujours la même intrigue, c'est toujours la même chose, et ça aide la police, c'est cool, on a retrouvé quelqu'un, happy end, bon. Mais alors, ce qui est plus choquant, c'est que l'inspectrice, elle vient et elle dit au personnage, voilà, on vous a enfin arrêté, on vous arrête pour kidnapping de machin. Et puis, une fois qu'on aura fait le lien avec le meurtre de machin, on vous injectera une bonne dose de drogue et vous dormirez à jamais. Et je trouve ça scandaleux. Je trouve que donner ça comme dialogue à un flic qui est censé en plus représenter une certaine forme d'intégrité dans la série, même si elle se dit un peu impitoyable, dire ça et à ce point assumer qu'on va donner la peine de mort à quelqu'un, tu vois, qui n'a pas encore eu un juste procès, qui n'a pas encore eu. Voilà, en plus on sait trois fois rien de ce personnage. Enfin, on sait juste que il y a un autre flic qui a tenté de bâtir un dossier pour essayer de l'avoir, pour essayer de l'attraper. Mais bon, c'est une entremetteuse d'Hollywood. C'est pas un personnage, voilà, qui est en plus horrible au point de voilà. Et encore, ça se comprendrait pas. Mais là, autant à ce point acerter la peine de mort dans un pays qui est en pleine galère, qui a un gros problème avec ça et qui dure depuis longtemps, qui a un problème avec les armes à feu, qui a un problème avec du populisme, tout ce qu'on voit aux élections américaines, ça. Je me dis que c'est voilà quoi. Enfin, ça peut pas sortir. J'ai jamais vu ça dans une série moi personnellement. Donc je sais pas si toi ça te choque autant que moi, mais Bah, si tu m'avais pas relevé la phrase, elle serait passée peut-être, ouais, presque inap... Enfin, ouais, enfin, parce que la série m'intéresse pas, je l'écoute pas plus que ça, donc du coup, la phrase serait peut-être passée inaperçue. Effectivement, t'avais relevé ce fait-là avant que je voie l'épisode, donc du coup, j'ai guetté ce moment-là avec, voilà. Oui, effectivement, ça. Vu de notre côté à nous, français, etc., oui, ça fait effectivement. Ouais, ça peut choquer, je comprends. ça résonne mal quand même. Après, je suis pas sûr que ça choque beaucoup d'Américains. Mais c'est bien le problème. C'est bien le problème. Je trouve que, voilà, enfin, je vais pas me lancer dans un plus grand développement là-dessus, parce que de toute façon, c'est un problème de fond qui mine les Américains depuis des années. Mais lâcher comme ça une phrase pareille, aussi forte, aussi assertive, tout ça pour essayer peut-être de draguer des électeurs, enfin des électeurs, non, pardon, c'est la déformation des élections américaines, mais draguer des téléspectateurs pour et le cacher tout ça sous le couvert d'une impitoyabilité du personnage, je trouve ça extrêmement limite, je trouve ça presque racoleur, extrêmement, et puis dans les propos, choquant. Enfin, Ce qui est étonnant, c'est que ça vienne pas de la bouche de Lucifer, mais de Chloé. voilà, et encore, même si ça venait de la bouche de Lucifer, voilà, ce serait limite pas un prétexte, enfin, ce serait pas un prétexte jouable. Tu peux pas sortir un truc sur la peine de mort comme ça parce que faut encore que ce soit justifié dans un truc un peu sériel et tout ça, et je vois même pas. Là, sorti comme ça dans une série plus ou moins légère, qui se la joue procédurale, qui se la joue avec un personnage principal qui est Seigneur des Enfers et une autre qui essaye de faire la balance de la justice en permanence dans trois épisodes. Et tu sors une phrase comme ça, enfin, Je trouve ça, voilà, on est peut-être trop franco-français sur cet aspect, mais c'est pas avec des phrases comme ça que les États-Unis vont avoir, enfin, vont réussir à régler leurs propres problèmes. C'est même, ils vont même les aggraver. Donc, bon, enfin, rien que pour ça, enfin, ça mériterait d'être noté. Et je sais pas si les Américains ont un conseil de discipline ou un CSA comme nous en France pour régler ça. Et c'est voilà, donc enfin, c'est vraiment cette phrase en particulier qui m'a marqué, plus que tout ce qu'il y a autre part dans la série. C'est le problème, quoi. Ce qui peut être intéressant éventuellement, si parmi les personnes qui écoutent cette émission, qui regardent Lucifer, qui sont allées jusqu'à cet épisode, ça fait beaucoup de cils, hein, on perd beaucoup de gens au fur et à mesure des conditions. N'hésitez pas à vous donner votre avis sur cette phrase, sur cette réplique. Voilà, est-ce que vous avez été choqué? Est-ce qu'effectivement, comme Léo, vous trouvez ça vraiment limite ou pas? Voilà, vous avez les commentaires de l'article pour ça. Vous pouvez vous donner votre avis aussi sur Twitter, Facebook, ou même par mail si vous voulez, hein, redac@comicstories.fr. Ça peut être intéressant d'avoir Voilà. Moi, je suis quelques curieux de moi d'entendre, hein, si j'ai été le seul choqué, si ça a peut-être plus marqué ça m'a peut-être plus marqué que les autres, tout ça, parce que voilà, enfin, ce débat-là, enfin, je suis assez positionné sur le sujet, mais si, en effet, si ça a choqué enfin, des personnes comme moi ou pas autant, ou s'ils pensent que voilà, bah oui, dites-nous ce que vous en pensez, parce que sur le coup, bon. Je t'ai perdu, Léo. Ah oui, non, mais je suis là. Je Ah suis là. d'accord, je crois que tu avais fini ta phrase de manière un peu brutale. Oui, pardon, excuse-moi. Du coup, c'est pas grave. Bon, voilà, on va peut-être pas aller jusque plus loin avec la série pour le moment. Hein. On va se contenter de cet avis très négatif de chacun. La question qui se pose maintenant, c'est continuera-t-on ou pas? Je viens de faire un long, long, long soupirement. Et si j'avais plus de souffle, j'irais plus loin encore. Je sais pas, je suis Moi, je pas pense sûr. regarder le final de la saison pour Oui, voir quand peut-être. même s'il y a eu une évolution et voir où c'est allé, etc. Et en fonction de ça, eh ben, j'irai peut-être en picorer un ou deux si vraiment je vois qu'il y a une amélioration. J'irai peut-être combler quelques trous et encore. Mais regarder comme ça tous les épisodes, non. Voilà, oui, non, On c'est n'a pas le clairement. temps pour ça. On n'a pas le temps, clairement, pour ça. Voilà, on n'a pas, on a, enfin, il y a d'autres séries à voir, on a tous d'autres emplois du temps, voilà, et c'est pas une série qui se fasse qu'on prenne, hein, toujours 40 minutes comme ça à un moment pour, voilà, je vois cette série et c'est l'impression que j'avais eue dans le pilote, c'est que c'est juste un plaisir coupable, quoi. C'est vraiment une série guilty pleasure où tu regardes pour le fun, pour te vider l'esprit et pour voir Tom Ellis faire des vannes sur le diable, faire avouer à quelqu'un qu'il veut être le meilleur, coucher avec une psy d'Hollywood et voilà, et repartir et avoir de nouvelles aventures, tous les trucs, mais pas plus que ça, quoi. Et si on veut s'impliquer dans d'autres séries, il faut en sacrifier d'autres, et celle-là est carrément sacrifiable. C'est exactement pareil pour moi. Donc, bye bye Lucifer. On s'en reverra peut-être pour ton final. Et Et encore. si c'est le cas, j'en dirai deux mots. Mais voilà. Ouais, Clairement, encore. cette série passe à la trappe. Non, c'est vraiment très décevant, quoi. Bien, eh bien, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la série, si vous n'avez vu que le pilote, si vous avez vous aussi décidé d'arrêter, ou alors si vous allez continuer parce que vous aimez ça. Même chose. Donnez-nous votre avis, Twitter, Facebook, redac@comicstories.fr. Voilà, vous avez plein de moyens pour le faire, des commentaires, des articles. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse. On est les deux seuls de l'équipe à regarder ça, donc à avoir regardé ça. Donc voilà, les autres n'ont même pas voulu consacrer une demi-heure à cette série. Donc nous, voilà, on peut être intéressé d'avoir des avis complémentaires. Ça se trouve, tout le monde adore, mais je pense pas. Peut-être qu'on a loupé complètement des trucs, hein. Enfin, Je pense pas. Pour avoir lu deux, trois sites, voilà, on est tous plus ou moins unanimes sur la non-qualité de Lucifer. ouais. Allez, on va se retrouver la semaine prochaine, tout de même pour un autre numéro de Sur nos écrans. Mais avant ça, évidemment, vous pouvez éventuellement, si vous l'avez raté, réécouter ou découvrir tout simplement le Sur nos écrans numéro 42 de la semaine dernière, qui était consacré au film Deadpool, qui lui nous a beaucoup plus plu. Ah oui. On se retrouve, quoi qu'il en soit, mardi pour le mag de Comic Stories. Et puis, la semaine prochaine, sur nos écrans, on fait une petite pause des séries puisqu'on va vous parler du film d'animation, le dernier né des films d'animation DC, Batman Bad Blood. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Et bah tiens, tu me posais la question, Léo, il y a peu de temps, dans 2 semaines, on vous fera quand même le bilan de Heroes Reborn. Ah, quand même, parce quand que même. Là aussi, il y a quelques... On va s'arrêter en si bon chemin. Voilà. Voilà. Puis bon, il faut bien faire un dernier adieu à un projet que ce malheureux Tim Kring essaie de maintenir en vie depuis maintenant des lustres. Donc on va voir si l'agonie a été jusqu'au bout, ou alors si peut-être il y a eu un sursaut de la bête sur les 3 derniers épisodes. On verra ça dans 2 semaines. D'ici là, bonne série et à bientôt. Salut!